Les deux Anglais par André Lichtenberger. Le grand paquebot glissait dans une allure régulière en mer rouge. Par hasard, la chaleur n'était pas torride. Grâce au ventilateur et aux boissons glacées, on tenait sans trop gémir ni souffrir. Au fumoir, à portée du bar, les joueurs de cartes et d'échecs se livraient à leur passe-temps inoffensif. Le bridge, Madame de Soyage, réunissait ses partenaires habituels. Le colonel Delbeuf, le docteur Vaubernier, et le vaste John R. Wheeler, le robuste anglais à la face paterne. Allant et venant, un petit homme, maigre et sec, aux yeux vifs, derrière les lunettes montées sur branches dorées, le geste sobre, le menton agressif, semblait suivre la partie avec un intérêt particulier. À la suite d'un contre hardi risqué par la jeune femme, il formulait une approbation motivée qui attestait une connaissance approfondie du jeu. Quand il s'éloigna, elle interrogea le commissaire Banneau, toujours empressé. « Dites-moi, monsieur Banneau, cet Anglais qui vient de sortir. »« Oui, vous m'avez dit, je crois, qu'il s'appelait Sir Gordon. Il a l'air de s'y connaître un peu. »« Si cela pouvait lui être agréable, je suis sûr que ces messieurs l'accueilleraient volontiers à notre table. »« On jouerait à cinq, qu'en pensez-vous ?» Les trois hommes s'inclinèrent. Avec son paisible sourire, M. Wheeler observa. « L'Angleterre restera toujours en minorité, alors on ne s'ennuiera pas trop. » S'étant acquitté de sa mission, le commissaire, quelques minutes plus tard, informa Madame de Soyage que Sir Gordon avait été fort touché de son aimable pensée et que s'il n'était pas indiscret, il participerait volontiers à la partie. Les présentations furent faites après le thé. On s'attabla ensuite autour du tapis vert et pour ses débuts, Sir Gordon couronna par un chelem quelques opérations magistrales. En quittant le jeu, Madame de Soyage se retrouva sur le deck en face du commissaire. « Eh bien, chère madame, avez-vous été satisfait de votre nouvelle recrue ?»« Enchantée. » Puis elle se mit à rire. « Quel drôle d'homme ! Il ne parle guère, mais sous son regard en vrille et son air fureteur, on se sent presque gêné. Savez-vous ce qu'il fait ?» Monsieur Vanneau eut un geste vague. « Je ne connais lui que son passeport, Sir James Gordon de Manchester, célibataire. » La jeune femme rit de plus belle. « Eh bien, si c'est une femme qu'il cherche, il ne se décidera pas à la légère. On le dirait constamment à l'affût. » Monsieur Vanneau se frappe le front. « À l'affût, dites-vous, mais alors, qui sait ? C'est peut-être le détective. » La joueuse sursauta. « Le détective, vous avez un détective à bord et vous n'en dites rien ? Racontez-moi ça. » « Oui, c'est bien simple. Au moment de partir, le commandant Sourdis a été avisé de Paris qu'il aurait probablement comme passager un inspecteur de Scotland Yard. Plusieurs bijoux, dont un magnifique collier de perles, venaient d'être volés à Londres au cours d'une soirée mondaine. Il y avait lieu de penser que le larron faisait partie d'une bande internationale et s'efforcerait de gagner l'Extrême-Orient. Il ne serait pas impossible qu'il s'embarquât sur un paquebot français. Un policier britannique était à ses trousses. S'il jugeait opportun de se faire connaître, le commandant Sourdis s'était prié de lui accorder tous ses bons offices. Informant son subordonné de cette présence éventuelle, M. Sourdis avait ajouté « Mais j'espère que ce gentleman gardera l'incognito. En tout cas, il faudra qu'il s'arrange pour éviter le scandale d'une arrestation à bord. Tenez-moi au courant si vous découvrez quelque chose. Voilà, chère madame, tout ce que je puis vous dire sur cette hypothétique détective. Vous êtes aussi instruite que moi. C'est passionnant. Vous avez mission, monsieur le commissaire, de distraire vos hôtes. Et voici qu'ayant peut-être à bord une lumière de Scotland Yard et un as de l'escroquerie internationale, c'est-à-dire les héros classiques d'un bon roman policier, vous négligez cette occasion exceptionnelle de divertir vos passagers. Je vous jure bien que j'aurais vite éclairci l'affaire. Un peu alarmé, M. Banneau intercède. « Et là, madame, je n'ai pas besoin de vous recommander la prudence. Ne me compromettez pas. Le commandant me ferait fusiller s'il soupçonnait mon indiscrétion. » D'un ton un peu dédaigneux, la jeune femme rassure le pusillanime officier d'administration. « Ne craignez rien. Il y a quelques années déjà que j'ai perdu mes dents de lait. Quand on a lu et médité les œuvres complètes d'Edgar Wallace, de Valentin Williams et d'Agatha Christie, on sait se conduire. Avant 24 heures, vous aurez le mot de l'énigme. » Un directeur célèbre de la sûreté a dit « Pour dépister un incognito, ils néflèrent d'argousins qui vaillent la curiosité d'une femme. Au lendemain même de cet entretien, la religion de Madame de Soyage était éclairée. Par hasard d'ailleurs, la fortune avait favorisé sa recherche. On vante l'habileté de la police à déguiser ses hommes. Ils peuvent tromper des escarpes assez malins, mais non une mondaine qui, à une faculté moyenne d'observation, joint ses dons d'intuition qui lui appartiennent en propre. Ah, qu'il est malaisé un policier de carrière de se faire prendre pour un gentleman. Avant même qu'elle eût des raisons spéciales de le surveiller, est-ce que les allures du prétendu Sir Gordon n'avaient pas attiré l'attention de la jeune femme? Comment, une fois alertée, n'eût-elle pas été frappée par une série d'indices minuscules mais significatifs? Quel membre de l'aristocratie britannique aurait un col en celluloïde, des ongles carrés mal soignés, un smoking de coupe si vétuste, un français d'une tenue si médiocre? Cette ignorance des lieux réellement sélects de Paris en même temps que cette connaissance étendue des maisons de deuxième ordre, qui joindrait à une expérience aussi approfondie des tripots une manière si inélégante de distribuer les cartes? À l'issue de la partie, pour fêter un surcontre décisif, M. Gordon offrait au bar un drink à sa partenaire. Il lui redisait son admiration pour la manière dont la série de ses annonces avait éclairci le jeu. La bouche aux lèvres minces et aux dents de crocodile déclarait « Je pense que dans un tournoi, nous ferions une bonne paire. Humant le breuvage cristallin, Madame de Soyage plante ses yeux vifs dans les prunelles de l'insulaire. « Charmé, monsieur, de votre suffrage. Je serai toujours heureuse d'être votre partenaire, même, ajoute-t-elle d'une voix qui détache les syllabes, si c'est pour un autre jeu. » Que vous demandez mon concours. Hein? Que veut dire cette péronnelle? Derrière les lunettes d'or, le regard se retranche, devient défiant. Madame de Soyage se met à rire. Ne vous effrayez pas, cher monsieur. C'est peut-être l'effet du cocktail. J'ai envie d'y aller carrément. Écoutez cet aveu. Je sais qui vous êtes. Je sais le but que vous poursuivez et qui me passionne. Si Scotland Yard daigne me prendre pour confidente ou pour complice, j'en serai ravi. Et je crois pouvoir lui être utile. » À ces paroles, l'homme a tressailli, esquisse un geste de défense. Puis il se reprend et articule avec un petit rire sec. « Madame, je ne vous cache pas que je suis un peu humilié de voir mon incognito transpercé. Mais à la réflexion, peu importe. La preuve que j'ai de votre pénétration m'est un témoignage de plus du prix de votre collaboration. À votre franchise, je répondrai par une franchise égale, donnant-donnant. « Madame, que pensez-vous savoir de moi? Vous désirez en être instruit? Eh bien voici. » Sans dissimuler un petit froissement d'amour-propre, M. Gordon, c'est authentiquement son nom, sœur en moins, se déclare charmé de la bonne volonté de l'autorité française autant que de la perspicacité de son interlocutrice. Résolu présentement à demeurer sur la réserve vis-à-vis de la première, il accepte l'alliance de la seconde. Non seulement Madame de Soyage lui sera une précieuse intermédiaire vis-à-vis du commandant de bord, dans la mesure où il faudra lui faire appel, mais en face de l'escroc lui-même, son concours sera inestimable. Le cœur de la jeune femme bat délicieusement. Elle échange un shake-hand avec son complice. Entendu. Puis elle reprend. À mon tour de vous questionner. Si je vous comprends bien, vous êtes sur une piste. Oui. Le voleur est bien à bord. Oui. Nous ne sommes pas tout à fait aussi stupides à Scotland Yard que vous avez pu le croire. J'ai travaillé comme vous. Je tiens mon gredin. C'est bien le représentant d'une bande internationale. Un de vos compatriotes? Oui. Je grille d'impatience. Qui donc? Devinez. Il n'y a pas plus d'une douzaine d'anglais sur le bateau. Ce n'est pas le clergyman? Pas Mr. Broad? Monsieur Cuffins? Non. Le détective secoue malicieusement la tête. Et puis, voyant l'impatience de la voyageuse, il se penche à son oreille, murmure un nom, elle tressaille. Voyons donc, ce n'est pas possible. Mr. Gordon a un rire aussi gai que le permet sa physionomie acerbe. Mais si, je vous le jure. Et à voix basse, il commente, explique. Comme il est convenu, Madame de Soyage met au courant Monsieur le commissaire, qui aussitôt s'en va prévenir le commandant. Celui-ci charge d'autant plus volontiers son second de manifester sa sympathie aux deux passagers que Mr. Gordon ne lui demande pour le moment que de continuer à demeurer sur la réserve. Par ailleurs, le détective lui promet toutes les précautions pour, à leur hache, procéder de la manière la plus discrète à l'arrestation du délinquant, c'est-à-dire de M. Wheeler en personne. Voyons, le sérieux et paisible Monsieur Wheeler sera l'escroc redoutable qui depuis tant d'années met sur les dents les meilleurs limiers de Scotland Yard et dont l'audace vient, dans une de ses plus brillantes réunions, d'affoler par un coup d'éclat la meilleure société de la capitale britannique. Monsieur Wheeler, en vérité, êtes-vous sûr ? Si j'étais exactement sûr, chère madame, je n'aurais pas besoin de votre aide. J'ai des indices à peu près décisifs, à ce qu'il me semble, mais je souhaite les compléter, et c'est pour cela que je compte sur vous. Vous les révélez ? Non, madame. Inutile, je travaille loyalement. Je ne veux pas vous influencer. Je préfère vous laisser exercer librement vos facultés de recherche. Vous me ferez part de vos remarques s'il y a lieu. Et il est deux points où votre concours me sera particulièrement précieux. Bien que j'aie déjà sur cette matière quelques renseignements, je serai heureux de connaître ce que M. Wheeler vous laissera entrevoir de ses intérêts à Aden et de ses projets éventuels de débarquement. D'autre part, quoiqu'ayant exercé un contrôle assez approfondi de son bagage, par une rapide prospection dans sa cabine, je compte sur vous pour m'aider à obtenir, au moment où il me la faudra, l'indispensable demi-heure de liberté d'esprit et de manœuvre. Est-ce convenu ? Comment donc ? Jamais traversées de la mer Rouge et approches de Djibouti ne furent plus passionnantes. Qu'a-t-il de fondé dans les conjectures de l'inspecteur Gordon concernant son compatriote qui, avec une expansion rare, décrit la vie de son foyer ? Ah, quand on est comme lui un père de famille, il est assez dur d'avoir si souvent à s'absenter. Tirant une photo de son portefeuille, il présente sa tribu. Madame a une figure bien brave et les trois enfants sont superbes. Dick est le mieux doué. C'est lui qui prendra la succession des affaires paternelles, si toutefois la crise s'arrête avant la déconfiture totale. Car en ce moment, tout va mal. Enfin, il se rendra compte des choses à Aden. Hein ? Vous vous y arrêterez ? Peut-être. Cela dépend des nouvelles que j'y trouverai. Il se peut que je sois obligé d'aller jusqu'à Bombay. Est-il possible, avec plus d'abandon, de répondre aux questions insidieuses ? Tout de même, il y a des moments où la traverse comme un éclair l'idée que cette bonhomie pourrait bien être un masque. De temps en temps, sous la lourde paupière, l'éclair du gros homme ne se fixe-t-il, quand il ne se sent pas guetté, sur le visage du policier avec une expression particulière ? Est-ce bien parce qu'il a les yeux fatigués ou pour déjouer une inquisition importune que de pierre il a arboré des lunettes noires qui empêchent de suivre le va-et-vient de ses prunelles ? À une question du colonel Delbeuf sur les défenses militaires d'Aden, il a proclamé avec un large rire son incompétence. Puis, braquant à l'improviste, son regard invisible sur son compatriote, il a ajouté « Il faut interviewer Sir Gordon, qui doit être mieux que moi en état de vous répondre s'il se juge en droit de le faire. » Ah ! L'officier s'est tourné vers le policier d'un air interrogateur. « En vérité, si je ne suis pas indiscret, sans broncher, M. Gordon s'excuse. Quoi qu'en pense notre compagnon, je suis à peu près aussi inexpert que lui en cette matière. Et je ne crois pas que ce sera encore cette fois que je compléterai mes connaissances. Toutefois, comme M. Wheeler, la suite de mon voyage sera conditionnée par les nouvelles que je trouverai là-bas. » Les regards des deux hommes se sont croisés, puis M. Wheeler a rétabli ses lunettes sur son nez et avec un rire communicatif, il a proféré. Pour le bridge, chère madame, j'espère qu'il vous restera au moins encore un Anglais au départ d'Aden. Et pour mon plaisir, j'espère que ce sera moi. Grâce à une banknote habilement glissée à l'aide d'opérateurs de la TSF, M. Gordon s'est assuré la communication discrète des messages sans fil qu'enverrait ou recevrait en route son compatriote. Tout à l'heure, rencontrant la jeune femme sur le deck, le policier l'a prise à part. « J'ai quelque chose à vous montrer. » Voici le message qui a été expédié ce matin par notre partenaire. Assuré réception spéciale des arrivées, avisé sitôt colis remisé. Eh bien, que signifie selon vous cet avis si bilain ? Ceci au moins, que M. Wheeler, si débonnaire soit son humeur, adresse à ses mandataires des instructions dont le sens ne doit être intelligible à personne. Peut-être, s'il reçoit une réponse, sera-t-elle plus explicite ? Elle est interceptée dans le courant de l'après-midi. Réception spéciale assurée, aviserai sitôt livraison effectuée. Madame de Soyage écarquille des yeux interrogateurs. Y voyez-vous plus clair ? Peut-être un peu. Mais je souhaiterais davantage. Est-ce que je puis ce soir compter sur vous pour me ménager la demi-heure dont j'ai besoin pour le petit travail d'exploration dont je vous ai parlé ? Entendu ? Mon Dieu ! Durant l'absence de son complice, que de distractions accumule la voyageuse. Comme son cœur bat à l'idée de la perquisition qui en ce moment se poursuit. Si brusquement M. Wheeler sous un prétexte quelconque, allait quitter la table de jeu. Le détective est de retour bien avant l'estocade de quatre coeurs qui termine la partie. Le thé suspend les opérations. La jeune femme en profite pour rejoindre le détective. « Eh bien, ça y est, vous avez le collier. » Monsieur Gordon se met à rire. « Vous ne vous figurez pas qu'on laisse traîner un tel joyau à la merci du premier indiscret venu. Soyez sûr qu'il ne quitte pas une ceinture secrète que porte notre homme. Mais j'ai recueilli d'autres indices. Deux documents sont particulièrement révélateurs. Un répertoire des receleurs marrons les plus retors de Bombay, un code chiffré de correspondance clandestine. Puisque, Dieu merci, le Lascar a renoncé à débarquer à Djibouti, me voici tranquille. Nous le tenons. Je vous demande ce soir de m'aboucher avec M. Bano afin de fixer comment procéder à l'ultime opération. » Rien de plus simple. Le pauvre M. Wheeler semble s'appliquer à fournir lui-même des berges pour le fouetter. On arrivera à Aden au premier matin. Il annonce au cours de la partie à ses compagnons qu'il attendra à bord la visite de son mandataire. Un message expédié en clair et dûment communiqué confirme quelques minutes plus tard cette intention. Il remet à midi de leur faire ses adieux. Parfait. M. Gordon, dès l'arrivée, sitôt la passerelle jetée, quittera le bord. Il sera de retour une heure après avec l'officier de police du moment daté qui l'assistera. L'arrestation s'opérera dans la cabine même de l'escroc avec la plus parfaite discrétion. Il faut convenir que la voyageuse passe une nuit à peu près blanche. À peine si de loin en loin, quelques instants d'assoupissement interrompent son insomnie. Au premier matin, elle entend gémir les sirènes, les cloches sonner, le navire ralentir, stopper des chaînes grincer, puis toutes les péripéties de l'accostage. Quand elle met le nez à la fenêtre de sa cabine, c'est à peine si l'on distingue le port, la ville indigène, la forteresse. Enveloppée dans son pyjama, elle regarde aller venir des silhouettes falotes. Tiens, voici M. Gordon en personne qui s'engage sur la passerelle. Il s'entretient un instant avec la sentinelle qui le salue et s'éloigne d'un pas rapide. La jeune femme procède à sa toilette. M. Gordon lui a promis de la faire demander le moment venu. Il faut être prête. Du reste, elle ne tient pas en place. Et puis on étouffe. Elle ira attendre son appel sur le pont. Une brume chaude pèse sur la ville, supprime à peu près toute vue. Voici que de la brouillard surgit la soulette de M. Bano. Vous n'avez rien su de notre ami? Rien. Moi non plus. 10h30, 11h, 11h30. Ah, tout de même, voici un visiteur qui s'approche. Déception, c'est de nouveau M. le commissaire. Toujours seul, il annonce, l'air soucieux. Le plus grave, c'est que le correspondant de M. Wheeler est arrivé. Ils causent ensemble dans sa cabine. Ou par exemple, cette fois, je crois bien que c'est lui. L'anglais? Hélas, non. Ou plutôt, c'est l'autre, celui qui, à l'heure actuelle, devrait être dans les fers. Le visage paisible et amène, comme de coutume, M. Wheeler s'avance vers la voyageuse. Il est accompagné d'un long individu au trait dur, l'allure militaire. Oh, chère madame, monsieur le commissaire, comme je suis heureux. Je tenais avant de quitter le bateau à prendre congé de vous et vous remercier de vos bontés. Trop aimable. Alors c'est pour de bon que vous nous abandonnez. Mais oui. Après l'entretien que je viens d'avoir avec mon ami, M. Littleton, que je vous présente, je n'ai plus de raison de continuer. Le but de mon voyage est atteint. Adieu le bridge. Avec un demi-sourire de sa bouche débonnaire, M. Wheeler rajoute. Et je ne pense pas être supplié par M. Gordon qui lui-même s'arrête ici. N'y a-t-il pas une singulière expression de gaieté contenue sur le visage des deux Britanniques? Machinalement, la jeune femme murmure. Ah, je suppose alors qu'il viendra nous faire ses adieux. Monsieur Wheeler brande la tête. Je ne crois pas, n'est-ce pas, Monsieur Littleton? Il éclate de rire. Monsieur Littleton a une hilarité moins bruyante, assez déplaisante. Je ne crois pas, en effet, qu'il quitte de sitôt l'installation où je l'ai laissé. Monsieur Wheeler reprend. Mais je désire l'excuser auprès de vous de son incorrection involontaire. J'ignore dans quelle mesure mon compatriote vous avait mis au courant de ses occupations. La vérité est que sa croisière avait pour but principal l'exportation hors du royaume d'un bijou de grand prix et sur lequel ses droits de propriété étaient contestables. Comme la jeune femme et le commissaire demeurent les yeux écarquillés, M. Wheeler a un geste aimable. « Well, les dames aiment les bijoux. Cela vous amusera peut-être. » Inspecteur Littleton, voulez-vous montrer à la grasse lady et à monsieur l'officier la babiole que vous avez cueillie sur cet excellent monsieur Gordon après que vous lui avez mis la main au collet? Avec flegme, le policier extrait un morceau de papier de soie de sa poche et le défait. semblable à une enfilade de gouttes de rosée, ruisselle un collier de perles de la plus belle eau. Comment ? C'était lui ? Avec son invariable sourire, M. Wheeler s'excuse de n'avoir pas révélé à ses compagnons de navigation la profession de leur partenaire. J'avais au début des hésitations, et puis il m'a semblé remarquer qu'il avait devancé mon intention. Je ne crois pas me tromper en pensant qu'il se soit fait passer auprès de vous pour un agent de Scotland Yard. Alors j'ai préféré attendre. En somme, vous avez bien dans votre partie, madame, un filou et un détective. Seulement fallait-il intervertir les personnages. Inspecteur Littleton, reprenez votre trouvaille et partons. S'adressant au commissaire, M. Wheeler ajoute « Je ferai prendre de l'après-midi mes affaires, et aussi, vous excuserez mon indiscrétion, celle de M. Gordon. Soyez tranquille, notre administration judiciaire vous en donnera le reçu. » Les deux hommes s'éloignent, le commissaire et la jeune femme demeurent sidérés. 8 heures. Le bateau va se remettre en marche. La cloche du dîner vient de sonner. À l'entrée de la salle à manger, Mme de Seuillage et le commissaire se retrouvent nez à nez. Elle murmure à mi-voix. « Quelle histoire !» Assez penaud, l'officier d'administration hoche la tête. Et je me demande s'il est terminé. Figurez-vous qu'aucun agent de l'administration britannique n'est venu retirer les colis de nos voyageurs. Ma foi, je vais les faire débarquer, il a laissé en consigne. Mais il s'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un matelot qui salue l'officier. On vient de ramener à bord un passager ivre-mort. Un passager? Oui, il a sur lui son billet. Que faut-il en faire? Vous permettez? Le commissaire disparaît. Le bateau décolle. Les lumières de la ville s'éloignent, s'éteignent peu à peu. Au moment où l'on sort de table, le colonel Delbeuf s'approche de la jeune femme et s'arrête. « Dites donc, chère madame, nous allons pouvoir reprendre notre bridge. Hein? Mais oui, il nous reste au moins un de nos Anglais. Un de nos Anglais, lequel? Comment, vous ne savez pas? Mais naturellement, Sir Gordon, puisque nous avons tous pris congé de l'autre. Ah, par exemple, quel cuit. Il faut dire que quand il s'en mêle, c'est britannique. Si vous aviez vu la lobe qu'on a rapportée à bord tout à l'heure. » Le militaire reprend avec conviction. Quelle cuite! Madame de Seuillage sent vaguement la tête qui lui tourne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais voici que surgit la figure bouleversée de l'infortuné M. Banneau. Apercevant la jeune femme, il court à elle et d'une voix de catastrophe. Madame, le commandant désire vous parler. Puis-je vous conduire immédiatement auprès de lui? Si même certains détails de l'affaire demeureront obscurs, il n'a pas été très laborieux. Quand, dans l'après-midi du lendemain, M. Gordon a enfin recouvré en totalité ses esprits de reconstituer les événements. Sortant du bateau à l'aube, il a accepté les services d'une manière de guide indigène, évidemment apposté, qui s'est offert à le conduire au poste central de police. Au tournant d'une ruelle, deux individus se sont jetés sur lui et l'ont assommé. Dûment endormi, il a été dépouillé de ses papiers de légitimation et autres qui ont permis aux agents de M. Wheeler, à la fois, de compléter leurs informations et de constituer une identité policière au mandataire qui lui a été expédié. Introduit auprès du voyageur, le soi-disant inspecteur Littleton a discrètement reçu de sa main le fameux collier, dont ensuite l'escroc s'est donné le luxe d'éblouir les yeux de ses compagnons de voyage. Après quoi, les deux larrons ont disparu. À l'heure actuelle, le joyau est parti peut-être pour le centre de l'Arabie, ou plus probablement ira s'engloutir à jamais dans le trésor inaccessible de quelques potentats indiens. On n'en entendra plus jamais parler. Le détective est confié à retrouver dans ses vêtements tous les papiers qui ont été soigneusement remis, après usage. Même la délicatesse a été poussée jusqu'à y joindre son argent de poche. En somme, toutes les observations et déductions du policier étaient exactes et son plan d'opération assez judicieux. Il a eu seulement le tort de sous-évaluer les moyens d'action de la redoutable bande internationale avec laquelle il était aux prises. Il était évident qu'avant même que le bateau eût accosté, les complices de M. Wheeler étaient alertés et qu'il avait trouvé le joint pour leur faire tenir un complément d'instruction détaillé. Télégramme expédié par Djibouti par un compère après le départ du paquebot, ou message recueilli à la première aube par quelques mariniers indigènes accompagnant le pilote. Le fait est que les ordres avaient été reçus et ont été ponctuellement exécutés. Quoi qu'il en soit, l'affaire est perdue et il convient de tourner la page. Maugréant d'amener d'énergique, le policier regagne sa cabine, soupire et se rendort. Quant à Madame de Seuillage, elle s'est alitée pareillement, dégoûtée du bridge et des romans policiers pour le reste de la traversée. Ainsi s'achèvent les deux Anglais par André Lichtenberger.